Elton John avec Electricity. On retrouve tout de suite Skender Bonmoisfer en direct de Madrid. Bonsoir Skender. Bonsoir Karim, buenas tardes. Alors, le Real Madrid a gagné Barcelone. Ça te fait plaisir, hein? Bah écoute, ça me fait très très très plaisir. C'est pas le bon Barcelone, hein, mais bon, c'est quand même un Barcelone. C'est quand même un Barcelone. C'est la deuxième équipe catalane, effectivement, l'Espagnol. Bah écoute, ce qui fait plaisir, c'est pas qu'elle gagne. Ce qui fait plaisir, surtout, c'est qu'ils le font de belle manière, enfin. Ouais. Et Zidane qui confirme qu'il est en très grande forme, parce qu'hier il a encore mis deux buts superbes, surtout le deuxième. Et cette équipe enfin nous donne des joies et du bonheur à avoir joué. Donc on va voir ce que fait le Barça ce soir. Mais bon, comme on a dit la semaine dernière, comme je l'ai dit, comme j'ai insisté plusieurs fois, le Barcelone est vraiment très loin. Donc maintenant, ce qui est en train de se jouer, c'est les places de Champions League pour l'instant. Personne ne pense à revenir sur le Barça parce qu'il a pris une distance vraiment considérable. Mais vraiment, hier, on a eu un très beau match. Le retour de Ronaldo qui a mis son but alors qu'il a raté beaucoup, beaucoup d'occasions claires. Et voilà, quoi. Donc hier, le Real Madrid sur son terrain a battu l'Espagnol de Barcelone 4-0. Une équipe qui s'est qualifié en demi-finale, pardon, ouais. Qui va rencontrer le Saragosse, pardon, qui va rencontrer le Deportivo de la Corogne, qui elle-même a éliminé le Valence. Et ces deux équipes se sont retrouvées encore une fois sur le terrain hier en championnat. Et c'est le Valence qui l'a emporté sur le terrain de la Corogne 1-0 par un but magnifique de 45 mètres du buteur en forme du championnat en ce moment, Villa. Et on a eu un troisième match hier un match qui compte pour le bas du tableau, donc deux équipes qui essayent de sortir des postes de lanterne rouge, donc le Malaga et l'Athletic de Bilbao. Et l'Athletic de Bilbao n'a pas réussi à conserver une avance qu'il avait réussi à avoir en première mi-temps 1-0 et qui s'est fait remonter 2-1. Ouais. Ouais, et ben écoute, Ronaldo qui a marqué pour la 10e fois cette saison, et puis Zizou qui est le deuxième meilleur buteur hein, du Real Madrid avec 6 buts. Voilà, deuxième meilleur buteur du Madrid avec 6 buts. C'est la première fois que Zidane se retrouve dans le classement des buteurs. Je crois que depuis qu'il a commencé à jouer au football, c'est peut-être la première fois que ça lui arrive. Mais surtout, Zidane qui nous a laissé hier des détails techniques extraordinaires, surtout sur le deuxième but. Par exemple vraiment, il a fait un contrôle du droit, il a soulevé le ballon avec le pied droit pour pouvoir shooter du pied gauche depuis l'extérieur de la zone. Et qui a mis un but, qui a laissé le gardien complètement en pantois. Et voilà, donc on est content, on a du beau football, on a un beau Real de Madrid. Et on va voir maintenant ce que va faire ce soir le Barça, qui reçoit l'Atlético de Madrid. On se souviendra que l'Atlético de Madrid, c'est une des seules équipes l'année dernière qui a réussi à gagner le Barça sur son terrain. Mm-hmm. L'Atlético de Madrid aussi qui est en regain de forme depuis la destitution de Bianchi, de l'entraîneur argentin. Une équipe qui a été reprise un peu à l'image du Real de Madrid par l'entraîneur de la deuxième équipe. Non, en fait, c'était l'assistant de Bianchi. D'accord. Et qui, la semaine dernière, a réussi à gagner le Deportivo de la Corogne, ce qui n'est pas rien. Bah oui. Et qui, cette semaine, va essayer de confirmer en se déplaçant au Camp Nou et en essayant de tenir tête au Barcelone. Je crois que c'est la première fois ici qu'à Madrid, les aficionados du Real vont être derrière l'Atlético de Madrid pour gagner le Barça. Bah oui. Pour essayer de voir l'écart un peu s'amenuiser vis-à-vis des Catalans qui fulminent ce championnat d'Espagne. Le Barcelone qui a accueilli hier avec beaucoup d'enthousiasme l'élimination du Cameroun pour pouvoir récupérer Eto'o. Bah oui. Voilà, vu que Ronaldinho a écopé d'un carton rouge c'était jeudi en match retour des quarts de finale de la Coupe d'Espagne. D'accord. Et donc, il va être suspendu pendant deux matchs. Il va être suspendu contre l'Atlético de Madrid ce soir. Et la semaine prochaine, contre le Valence. Donc, deux matchs très importants. Donc, on est ici à Barcelone, on est content de retrouver Eto'o. Mais bon, il y a Messi qui est en très grande forme. Il y a une équipe derrière qui roule bien. Donc, à mon avis, je pense vraiment pas que Barcelone soit dans une situation d'être inquiété par l'Atlético de Madrid, malgré que cette équipe, la deuxième équipe de Madrid, soit en forme dernièrement. Ouais, mais deux fois Atlético Madrid égale à Barcelone, hein, parce que Atlético Madrid c'est 26 points et Barcelone 52, donc Exactement, du simple double. exactement. Non mais dis-moi un truc, est-ce qu'ils font exprès ceux qui font les calendriers en Espagne de mettre les deux rencontres, tu sais, Madrid-Barcelone le même jour? mais ça, j'en sais rien. C'est une bonne question. Il faudrait que je pose la question à la fédération ici espagnole. Ouais, parce Je que pense que c'est c'est. Je pense que. Je pense pas que ce soit fait exprès, hein, mais d'accord. bon. Hasard du calendrier, comme on dit. Je crois que c'est exactement. Je crois que c'est les hasards du calendrier. Il faudrait que je remonte un peu sur les saisons antérieures pour Ouais. regarder si Alors, je c'est croyais que c'était toujours une de la même tradition, tu manière. vois. Comme par exemple, il y a toujours une tradition de derby ici en Tunisie, tu vois. Donc, Oui, quand il y a oui. Club Africain Espérance, il y a, Bah, je je me sais pas, pencherai moi. sur la question et je te donnerai une réponse la semaine prochaine. Ok, sinon, à part Barcelone, Atlético Madrid, qu'est-ce qu'il y a comme autre choc aujourd'hui? Ben aujourd'hui, depuis une demi-heure, il y a plusieurs rencontres qui ont commencé, donc qui comptent pour la 22e journée de ce championnat. D'accord. Donc on a le Villarreal qui reçoit le Cadiz. Pour l'instant, le Cadiz gagne sur le terrain du Villarreal 1-0, ce qui est une surprise parce Le que le Villarreal est solide. sous-marin est-il en train de couler? Ben, on n'en sait rien, hein, mais bon, le Villarreal, je crois qu'ils ont plus la tête dans la Champions League Je que dans le crois, championnat cette ouais. année. Ensuite, le Saragosse qui reçoit le Betis, le Saragosse qui est en très grande forme, hein, maintenant, depuis une demi-heure, ils gagnent déjà 3-0 contre le Betis. Donc, ils sont en demi-finale de la Coupe d'Espagne, ils ont éliminé le Barça, ils ont éliminé l'Atlético de Madrid en huitième de finale, et maintenant, ils confirment avec 3-0 pour l'instant. La Real Sociedad qui reçoit le Mallorca, pour l'instant, la Real Sociedad mène 1-0. Le Getafe qui reçoit l'Alavés, ils sont à 1 partout pour l'instant. Le Racing de Santander qui reçoit le Celta de Vigo. Le Celta de Vigo, on se souviendra que ça a été la victime du Real de Madrid la semaine dernière. Donc, pour l'instant, le score est à 0-0. Le match choc de la soirée donc va commencer à 19h. Donc, Barcelone qui reçoit l'Atlético de Madrid. Et enfin, cette journée sera clôturée à 21h par le Sevilla qui va recevoir l'Osasuna. Donc, l'Osasuna, on verra s'il va être capable de revenir parmi le peloton de tête. Et essayer de se remettre dans la course derrière le Barça. Ok, très bien. Et puis sinon, il n'y a pas des petites rumeurs. Il y a le mercato n'est pas encore terminé, non? Le mercato dans le calendrier n'est pas terminé, mais ici en Espagne, surtout pour les grosses équipes, y a rien qui est annoncé. D'accord. Donc voilà, et pour le Madrid, ça s'est résumé à Cicinho et Cassano. Cassano qui a joué hier. Ici, ici, on le voit un peu gros. C'est vrai qu'il est arrivé avec quelques kilos de trop Ah. depuis Rome. Ouais, incroyable. Il a marqué un but lors de sa première participation avec le Real de Madrid. Et ensuite, hier, il a joué son troisième match, pas en tant que titulaire. Et bon, on voit un joueur qui est un renard des zones, mais qui est encore un peu au niveau physique, un peu loin du niveau qu'a atteint déjà le Real de Madrid en quelques semaines d'entraînement avec le nouvel entraîneur. Ouais. Et on voit qu'il a un peu de mal à se déplacer, un peu de mal à suivre le ballon. Et il a eu deux occasions claires la semaine dernière et cette semaine qu'il n'a pas concrétisé. Donc bon, Cassano, c'est encore à voir. Par contre, Cicinho, et j'en avais déjà parlé la semaine dernière, Cicinho, ça y est, hein, c'est un fit dans cette équipe. Hier, il a été extraordinaire. C'est lui qui a donné le centre sur Ronaldo qui a transformé. Il a été à l'origine de plusieurs actions très, très, très dangereuses. Et c'est vraiment un très beau joueur que moi, j'en avais jamais entendu parler avant. Mais je crois que ces dernières années, ça a été peut-être le joueur le plus important que cette équipe a embauché. Quoi, carrément. Ah, pour moi, c'est lui, hein. Après Ouais. Zidane, c'est Cicinho. Ah ouais. Ah, C'est-à-dire. il est extra. Il faut voir un match, hein. Ce Cicinho, il est vraiment. Bon, il joue beaucoup sur la bande, mais il rentre en diagonale. Dès qu'il dépasse le milieu de terrain, il rentre en diagonale vers le milieu de terrain et il lâche des ballons extraordinaires. Il est jeune, donc si déjà maintenant il fait ça, je n'ose imaginer dans quelques années ce que ça sera. C'est vraiment un joueur de très très grande qualité. Futur Ronaldinho peut-être, ouais. Peut-être futur Ronaldinho. Ronaldinho peut-être a pour lui un plus, c'est qu'il a une imagination extraordinaire et surtout un sens du but rarement vu. Donc bon, peut-être, hein, on ne sait jamais, mais bon, moi je mettrais quand même Ronaldinho une marche au-dessus. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Skander. Mais je t'en prie, Kelly. Et on te retrouve sur le podcast. D'accord, c'est très bien. Le podcast, ça me plaît. Ça te plaît le podcast, hein? Ah, c'est cool. Très bien, allez, salut. Salut, à la semaine prochaine.